9h-9h30, les experts sur France Bleu Auxerre. Sur France Bleu Auxerre, nos experts répondent à toutes vos questions au 03 86 52 23 23. Et ce matin, Jean-Luc Laroche, notre expert en assurance, est là. Merci à lui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Alors avec vous ce matin, on va parler un petit peu sujet qui fâche. Ça fâche toujours un petit peu les assurances. Je suis désolée de commencer par ce sujet, entre autres, qui fait la une de toute la presse. Ces tarifs en assurance qui vont flamber en 2014. Ça part dans tous les sens. On nous annonce près de 2,8% d'augmentation en assurance auto et jusqu'à 5% d'augmentation en assurance habitation. Vous pouvez nous rassurer à ce sujet ou... Vous assurer, oui, non mais... Nous rassurer. Non mais c'est une tendance qu'on observe. Il faut savoir que les primes ont fortement augmenté, mais bien plus fort que ce que vous annoncez là dans les 5 dernières années, parce qu'il y avait une dégradation des résultats. En auto, on constate que ça va mieux, même si ce n'est pas encore parfait, mais la tendance est plutôt à l'amélioration. Il y a eu un petit transfert de taxes à la charge des assureurs par l'État il y a quelques 6 mois. Effectivement, ça alourdit la note d'1% à peu près. Mais globalement, la tendance est plutôt à l'amélioration. Par contre, sur les contrats habitation et tout ce qu'on appelle dommage aux biens, là, par contre, on s'aperçoit franchement que le temps se dérègle et qu'on a de plus en plus de coups forts en tempête, en grêle. Et l'augmentation, entre autres, des sinistres, là je parle en termes de cambriolage, ça, qui font la une de l'actualité, est-ce que ça joue aussi? Et du coup, on va vers une tendance de plus en plus... Oui, bien sûr, la hausse des cambriolages qu'on a assisté fin 2012 jusqu'à la mi-2013. C'est assez récent. Ça a fléchi un petit peu, il semblerait que ça veuille repartir en ce moment, donc on est vigilant. Mais en dehors de cet épiphénomène, il y a quand même une notion lourde de dégradation du temps et que les sinistres les plus importants que l'on paye, nous, dans les sinistres d'habitation, ce sont les dommages dus par la tempête, les dommages électriques, ce sont les dommages qui sont liés au climat. Voilà. Et les événements climatiques ont été assez lourds en 2013 pour justifier l'augmentation de cette année? Oui, on en a eu quelques-uns, oui, des tempêtes, on a eu des chutes de grêle qui ont été violentes, on a eu beaucoup d'inondations, on a eu de très grosses tempêtes en fin d'année et en début d'année. Tous ceux qui habitent sur la côte s'en souviennent encore, c'est encore très frais à leur esprit. Et tout ça, c'est le fonds de catastrophe naturelle qui va indemniser. Donc, quelque part, c'est l'assurance habitation, les assurances de biens qui vont augmenter quelque part. Alors, conséquence directe de la hausse des prix. En termes d'assurance automobile, on constate de plus en plus en France d'automobilistes qui roulent sans assurance. C'est un fait. Alors les chiffres sont quand même assez... Depuis 2008, a priori 28,4% d'automobilistes... il y a une augmentation de 28,4% d'automobilistes qui rouleraient sans assurance. Oui, c'est une dégradation. Alors, on nous dit toujours que c'est parce que l'assurance est trop chère, notamment pour les jeunes. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plus une crise économique qu'on rencontre en ce moment qui fait qu'effectivement, quand il y a moins de revenus, ce poste pour les jeunes notamment est plus difficile à supporter. J'attire l'attention quand même sur le fait de rouler sans assurance. On économise peut-être une prime un an ou deux, mais quand on a un très gros accident, c'est le responsable sur ses deniers propres qui va indemniser les victimes. Le fonds de garantie qui intervient pour les dommages corporels, il vient là pour faire tampon un petit peu, mais le fonds de garantie, il va se retourner contre l'auteur des dommages. Donc, quand il y en a pour 150 000 euros de dommages corporels, ce n'est pas le fonds de garantie qui va prendre en charge au final. C'est quand même celui qui roulait sans assurance. Donc, c'est de l'économie, c'est de la petite économie à courte vue et il faut faire extrêmement attention à ça. Alors, on a une question. Solange, au téléphone. Bonjour Solange. Solange de Nevers. Non, on n'a personne. Ah bon, j'avais sur mon écran. Sur mon écran, j'avais un nom. On continue. On parlait de la hausse des prix. Vous disiez à l'instant que vous n'étiez pas d'accord par rapport aux jeunes, la difficulté pour s'assurer. Mais pourtant les chiffres sont encore assez parlants. 59% des non-assurés dont on parlait à l'instant, des automobilistes non-assurés, 59% d'entre eux sont des jeunes. Oui, non, mais je ne dis pas que ça représente un budget, mais c'est plus parce que la crise... que le chômage des jeunes est important, qu'effectivement, ils éprouvent de plus en plus de difficultés parce qu'ils n'ont pas de revenus. Et que c'est sûr, quand on a une cotisation de 80 euros par mois, quand on n'a pas de travail, on fait des choix qui sont sans doute malheureux parce que si un jour on a un gros sinistre, c'est catastrophique pour le restant de ses jours. Mais c'est vrai qu'il y a une tension économique, mais ce n'est pas le fait que l'assurance soit chère. C'est surtout le fait que l'économie aujourd'hui va mal et qu'on a beaucoup de problèmes pour trouver du travail aux jeunes. Quel conseil vous donneriez alors aux familles, aux parents et à ces jeunes qui ont des difficultés à s'assurer ? De faire des choix drastiques, de ne pas prendre de grosses voitures, de rouler quand ça va mal, on réduit la voilure toujours, et ben on réduit la puissance de sa voiture, on change de voiture, on prend une petite voiture et puis on limite les garanties et puis on essaye, en attendant que ça aille mieux, de faire avec les moyens qu'on a, mais surtout ne roulez pas sans assurance. C'est beaucoup trop grave, surtout pour celui qui roule sans assurance au final, parce que le fonds de garantie paiera les dommages corporels, mais pour celui qui aura payé pendant 40 ans de sa vie 100, 200, 300 euros tous les mois, c'est insurmontable pour la vie après. Comment faire pour bien choisir justement son contrat d'assurance pour l'automobile et en général ? Le plus simple, c'est de faire attention à son budget, de faire le tour de l'assurance, des assureurs, avant d'acheter la voiture. Vous dites, voilà, je veux une Clio ou je veux une Mercedes. Si vous faites le tour des assureurs, le tarif ne sera pas le même. Et c'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir déjà déterminer un modèle de véhicule. Après, quand le budget rentre, quand on a un revenu qui s'améliore, on peut changer d'optique et de garantie et de véhicule. Mais voilà, il faut s'adapter. Il faut pas faire en fonction de ses envies toujours. Il faut faire attention et faire en fonction de ses capacités, c'est clair. Alors, on a l'impression que les contrats d'assurance sont presque illisibles. Il y a tellement de clauses, on ne sait plus laquelle lire et à laquelle il faut être vigilant. Quelles clauses sont essentielles ? Qu'est-ce qui ne doit pas passer ? Tout est essentiel. Le point important, premièrement, quand vous allez voir votre agent d'assurance, c'est de faire confiance avec l'interlocuteur que vous avez en face de vous. C'est à lui de déterminer que le contrat correspond bien à vos besoins. Il faut lui répondre franchement et sans ambiguïté. Voilà. Et puis, l'incontournable, c'est la bonne foi dans un contrat d'assurance. C'est ce qui détermine la qualité du contrat d'assurance. Voilà, une fois qu'on est de bonne foi, tout va bien. Voilà, alors on fait confiance, on a souscrit un contrat et puis voilà, patatras, il arrive un litige, ça arrive. Oui, avec son assureur, on a toujours un petit peu de mal des fois à gérer ça et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Il existe pour ça, je l'ignorais moi-même en préparant l'émission, il existe des médiateurs. Non, toutes les compagnies d'assurance ont eu l'obligation de mettre en place des médiateurs, justement pour résoudre des litiges quand les clients sont mécontents, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont mécontentes de la gestion de leur contrat, de la gestion de leur sinistre, etc. Et le médiateur, lui, doit faire le pour et le contre et agir en fonction de déclaration de chacun, de la réalité des risques, etc. Et il doit faire ça en toute impartialité. En toute impartialité, alors justement, oui, bien sûr. Les médiateurs, on se dirait, ils sont quand même raffiliés au groupement des assureurs. Est-ce que du coup, ils sont vraiment... on pourrait discuter leur indépendance, on aurait peur qu'ils ne soient pas très objectifs. Il y a un médiateur national qui est chargé de veiller justement à la qualité des réponses qui sont données. On peut lui écrire pour lui dire, voilà, je ne suis pas content du traitement que j'ai eu par le service médiateur de telle ou telle compagnie. Bon, déjà, quand vous avez un intermédiaire, ça permet de résoudre, ça permet d'aller plus vite et de gérer à moindre coût une affaire par rapport à une démarche bien sûr. Quand vous avez quelqu'un qui peut vous répondre, éclaircir le point sur lequel vous avez un doute ou une interrogation, vous lui posez des questions et ça permet déjà d'atténuer un certain nombre de sujets et parfois même d'éteindre complètement un litige qui était en train de naître. Quand vous n'avez personne, vous êtes obligé d'écrire à 500 km ou d'avoir une cellule téléphonique qui vous dit de taper étoile ou un. Vous avez une question d'une auditrice. Juste avant de prendre l'auditrice, à qui s'adresse-t-on pour trouver un médiateur en cas de litige ? Dans toutes les compagnies ont un service médiateur. Sinon, il y a le médiateur de la République qui existe. Je peux donner les coordonnées, il n'y a aucun problème. Mais sur Internet, on les trouve sans aucun souci. Vous pourrez appeler au 03 86 52 23 23, on vous renseignera. Nous avons Nicole de Gron au téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicole, je vous laisse poser votre question. Oui, j'aurais désiré savoir comment je dois assurer ma maison. J'étais propriétaire et maintenant, là, je viens de la vendre en viager. Donc, je ne suis plus propriétaire, mais je suis occupante parce que c'est un viager occupé. Alors, comment est-ce qu'elle doit être assurée, cette maison ? Vous avez deux solutions, madame. Soit vous gardez, parce que vous êtes toujours propriétaire tant que le, tant que le viager dure, vous êtes quand même propriétaire. Imaginez que l'acquéreur fasse défaut, il ne paye plus ses mensualités, il perd son viager, vous restez propriétaire. D'accord. Surtout si vous habitez dans le bien. Enfin bon, oui. Je pense que vous avez quand même, c'est votre domicile et que vous avez intérêt à ce que vous puissiez continuer à vivre même s'il y avait un gros sinistre. Alors oui, vous avez deux solutions. Soit vous continuez à payer la prime d'assurance en tant que propriétaire occupante et vous assurez le compte de la maison pour le compte du propriétaire et de l'acquéreur. Ou alors, c'est l'acquéreur qui peut éventuellement signer le contrat, mais il faut qu'il déclare que la maison est achetée en viager, parce que si un jour il y a un litige, il faut que tout soit clair pour tout le monde. Oui, parce que je pense que moi, l'acquéreur, de son côté, a assuré la maison. Moi, je suis toujours restée en propriétaire pour l'instant, parce que ça vient de se faire là, il y a peu de temps. Alors... Je dois rester comme je suis, en fin de compte. C'est la meilleure solution. Oui, enfin, à mon avis, oui, parce que surtout que vous habitez dedans, vous avez vos meubles, et le risque à déclarer à votre assureur est le même que si vous étiez propriétaire à 100%. Donc, déclarer à votre assureur que vous avez vendu la maison en viager, mais que vous êtes toujours occupante et bénéficiaire de l'usufruit de la maison, et puis lui, il va faire le nécessaire dans son contrat pour qu'en cas de sinistre, il fasse la part des choses. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Ça a bien répondu. Merci à vous de même. Au revoir. À bientôt, Nicole. À bientôt. Alors, en termes de liberté pour résilier ces contrats, on était moins libre jusqu'à la loi Hamon, qui n'est pas encore en vigueur. Hein. Elle s'appliquera à partir, a priori, de l'automne, voire fin 2014. Qu'est-ce que les consommateurs vont y gagner avec cette loi Hamon? Alors, premièrement, il y a une petite chose qui a précisé. Aujourd'hui, ce qui est marqué dans la loi, c'est que les assurances auto des particuliers et les assurances habitation des locataires vont bénéficier de cette loi. Alors, il y aura peut-être des choses qui vont s'améliorer d'ici là. On attend effectivement les décrets. Donc, ce sont les assurances habitation des locataires et les assurances automobiles. Ils vont pouvoir résilier leur contrat à tout moment, dès lors que leur contrat aura au moins un an d'existence. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont gagner peut-être de la fluidité, ils vont gagner de la liberté de souscription. Voilà, la liberté a toujours un tenant négatif parfois. Il faut faire attention à ne pas se brûler les ailes et à faire attention que les garanties qu'on choisit correspondent bien. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le climat de confiance. Et bien, il faut avoir confiance dans son assureur, poser des questions, être certain de ce qu'on va souscrire et de faire attention à ce qu'on quitte et ce qu'on prend. Alors ça, c'est pas toujours facile. Nous avons justement Patrick qui a des soucis par rapport à la souscription de son assurance. Patrick de Véron, bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors je vous laisse poser votre question. Oui, merci. Je vous appelle quand vous nous parlez de confiance en son assureur. Bien sûr. Oui, moi je me suis donc présenté il y a 4 ans vers une assurance très connue, assurance des fonctionnaires. J'ai donc rempli tous mes contrats. J'ai placé tous mes contrats dans cette assurance. Et quelle est ma surprise cette année, après avoir pris rendez-vous avec cette agence pour bien sûr discuter des augmentations des cotisations. Et quelle était ma surprise lorsqu'on m'a dit, monsieur, nous venons de remettre à jour votre dossier et nous nous aperçons que vous n'êtes pas fonctionnaire. Et de ce fait, nous allons être dans l'obligation de résilier vos contrats et de vous diriger vers une autre annexe, entre autres la sauvegarde, donc annexe de la GMF, et des assurances qui sont de moyenne entre 15 et 20% plus chères. Quelle est la solution? Et comme vous dites, la confiance de notre assureur, où est-elle? Eh bien, la confiance, elle aurait dû être dans le questionnaire qu'on a dû vous poser, logiquement, quand vous êtes venu vous assurer chez eux. Ils auraient dû faire l'état des lieux complet des critères d'admission qu'ils voulaient obligatoirement vous voir respecter. Et la première des questions, ça aurait été de vous poser, est-ce que vous êtes bien fonctionnaire pour pouvoir bénéficier des tarifs de cette société? Bon, s'ils se sont trompés, c'est malheureux pour eux. L'important pour vous, c'est maintenant d'aller voir la concurrence, parce que les autres assureurs vous accueilleront les bras ouverts si vous leur faites confiance à eux. Et la clé essentiel, c'est les déclarations à la souscription. Et les questions que doit poser l'assureur sont primordiales. S'il ne pose pas les bonnes questions, il ne peut pas se retourner ensuite contre vous pour vous dire bah, « vous avez fait une fausse déclaration », etc. Alors après, qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une erreur d'aiguillage, ça peut arriver malheureusement, mais logiquement, ils devraient vous faire les mêmes tarifs avec la filiale. Ce serait, à mon avis, la chose la plus simple. Mais bon, peut-être qu'ils ne veulent pas le faire. Hein. Mais ce n'est pas le cas, et ils me dévient carrément mes contrats, et ils m'obligent, enfin, c'est soit je prends la nouvelle assurance sauvegarde à 15 et 20% plus cher, et de toute façon, ils me résilient les contrats GMF, voilà. D'accord, ouais. Mais là, c'est un cas de litige, mais effectivement, ils ont mal fait leur travail. Alors, le côté positif, c'est qu'apparemment, vous avez bénéficié d'un tarif plus avantageux pendant quelques années, mais hormis cette petite plaisanterie, effectivement, il faut maintenant aller voir sur le marché de l'assurance. La concurrence est très vive et vous arriverez sans doute à trouver des solutions plus intéressantes sur le marché. C'est ce que je fais et grâce à eux, je trouve des assurances nettement moins chères et je les remercie dans un sens. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc vous avez raison, confiance aux assureurs, mais jusqu'à certains niveaux. Ben oui, la confiance, elle se mérite parfois, mais il faut toujours être vigilant. Et puis c'est à eux, hein, c'est toujours à l'intermédiaire d'assurance de faire attention aux questionnaires qu'ils posent pour que le cahier des charges corresponde parfaitement à l'assuré qui vient souscrire des contrats. Ben, reprendre un assuré d'une autre code, d'une autre assurance, on est toujours meilleur. Et puis après, ben voilà. Voilà. Merci bien. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci Patrick. C'est pas facile quand on n'est pas soi-même dans le domaine des assurances d'être en tant que consommateur sûr que son interlocuteur justement nous pose les bonnes questions. Comment faire pour... Non, mais c'est bien pour ça que le législateur a mis en place depuis quelque temps ce qu'on appelle des fiches conseils. Hein, c'est l'intermédiaire. Doit prouver qu'il a posé les bonnes questions à son assuré ou au prospect qui vient lui demander des tarifs, par exemple. Il doit pouvoir prouver en permanence qu'il a bien fait son travail. Donc, à l'époque, je ne sais pas de quand date la mise en place de ces contrats-là. Les fiches conseils, ça date d'il y a à peu près 5 ans, 6 ans. Donc effectivement, si le contrat a 10 ans, à l'époque, ils n'ont pas posé la question. Mais ils auraient dû le faire. La connaissance du risque, c'est le béaba du métier d'assureur. Si on ne connaît pas le client qui vient souscrire chez vous, bah effectivement, c'est une faute, mais pas de l'assureur. Les fiches conseils, on les trouve où ? C'est quoi ? On les trouve nulle part. C'est pas à l'assuré de le fournir. C'est à l'intermédiaire qui fait la démarche d'assurance. De faire cette fiche conseil qui fait état de l'identité de l'assuré, qui fait état de la demande de l'assuré, des propositions de l'intermédiaire pour répondre justement à cette demande. Voilà, tous les intermédiaires doivent mettre en place et ont mis en place en général ces fiches conseils. Alors comment avoir un bon intermédiaire ou s'adresser ? Chez les professionnels, les agents généraux d'assurance, ce sont des professionnels de terrain. Ils sont là pour défendre, ils sont les intermédiaires de la compagnie, mais ils sont là souvent pour défendre les clients. Et voilà, c'est un réseau pour lequel j'ai entière confiance. Je suis président de la Chambre régionale, ce n'est pas pour rien. Et c'est vraiment une profession que je soutiens parce qu'ils ont le sens du respect du client, du contact et ils connaissent parfaitement leurs clients. Voilà. Tout à l'heure, vous étiez au bord de nous donner des coordonnées par rapport à la médiation en cas de litige en assurance. Le médiateur... C'est le médiateur en assurance. Alors, je n'ai pas l'adresse parfaitement site, en tête. Mais il y a un site internet. Vous tapez médiateur en assurance sur le site internet. De mémoire, c'est la rue Jules Lefebvre, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Pour le médiateur national. Oui, et il me semble que c'est dans le 9e à Paris. Mais là, franchement, j'ai une mémoire. Sinon, son propre assureur peut nous donner les coordonnées. De toute façon, vous avez. Il y a tous les litiges sont gérés par ce qu'on appelle l'ACPR. C'est un organisme qu'on trouve sur Internet. Vous tapez ACPR, vous avez automatiquement les coordonnées. Ils doivent vous apporter les conseils pour régler un litige. D'accord. Jean-Luc Laroche, notre expert assurance, était là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Il reviendra très prochainement. Je le remercie Sans d'avoir problème. Été là aujourd'hui. Merci Jean-Luc. Bonne journée à tous. Bonne journée. Et d'ici là, on se retrouve tout de suite après avec Nathalie qui va faire la route avec vous. Parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté.